Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier Mac de la semaine sur Radioactive. Aujourd'hui, on va parler sport dans cette édition et plus exactement de football américain avec le club des Pionniers de Touraine. Le football américain est un sport collectif originaire des États-Unis, souvent comparé au rugby mais avec des règles distinctes. Il oppose deux équipes de 11 joueurs qui alternent entre l'attaque et la défense avec pour objectif de marquer des points en transportant ou en lançant le ballon dans la zone d'en but adverse. Ce sport est marqué par sa stratégie, son intensité physique et son organisation millimétrée des actions appelées « jeu ». Localement, ce sport est représenté par les Pionniers de Touraine, un club historique basé à Tours. Fondé en 1987, il a connu des hauts et des bas, avec des périodes en élite nationale et des moments plus difficiles. Ces dernières années, le club a retrouvé une certaine stabilité en se concentrant sur son développement, notamment via des équipes jeunes et le flag football, une version sans contact. Les Pionniers comptent aujourd'hui environ 400 adhérents et continuent de promouvoir le foot américain dans la région avec ambition, tout en étant impliqués dans des compétitions nationales et locales. Alain Rauh, notre expert ciné-série sur Radioactive, est aussi un ancien joueur et il nous emmène aujourd'hui dans ce mag au stade de la Chambrerie à la rencontre de Gauthier Pasquier, président des Pionniers de Touraine. Bonne écoute! Bonjour, et aujourd'hui donc je suis avec les Pionniers de Touraine et leur président là, suite au premier match qui a eu lieu à domicile au stade de la Chambrerie de Tours. Bonjour Gauthier, est-ce que tu veux nous présenter ce club qui me tient vraiment à cœur aussi puisque j'étais un ancien joueur, il faut le préciser aussi. Eh bien bonjour à toutes et tous, bonjour Alain. C'est vrai que ça fait, moi personnellement ça fait depuis 2010 que je suis au club, mais c'est un club qui existe depuis 1987, voilà. Donc c'est une sacrée histoire à Tours, il y a eu des hauts, des bas, voilà. Et puis là en ce moment, on essaie de remonter tout doucement la pente, on est redescendu en Détroit, mais on travaille avec des nouveaux bénévoles, un nouveau bureau, dont je suis le nouveau président aussi. Et on essaye de reconstruire notre club qu'on aime tant, parce que ça fait une quinzaine d'années que je suis là, donc voilà. Oui, en fait, tu as connu les différents stages, c'est le moment de dire, parce que tu es arrivé, je crois, en cadet et flag aussi, tu as fait. Ouais, j'ai commencé jeune, je me suis fait surclasser, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas de sélection pour mon âge, donc j'ai été tout de suite surclassé, en double surclassement, et puis j'ai joué rapidement avec les jeunes. Après, j'ai joué en senior, on a connu la D2, on a été jusqu'à être champion de France, monté en élite, jouer l'élite, tout ça, et puis maintenant, on est redescendu suite à deux, trois petits soucis, mais bon, voilà. En tant qu'ancien joueur et puis en tant que dirigeant, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes et moins jeunes? Parce que tu vas nous donner à peu près les catégories d'âge qui auraient envie de découvrir ce sport, qui est peu commun encore en France malheureusement. Les gens voient la NFL, il y a l'EFL maintenant qui est au niveau européen, mais on peut pratiquer le foot américain en Touraine. Ouais. Oui, exactement, on peut pratiquer le foot US. Nous, on le propose à partir de 15 ans en équipé. Après, on a aussi toute une section de flag, donc c'est la version du football américain sans contact qui sera au JO en 2028. L'avantage du flag aussi, c'est que c'est mixte. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi pour nous. Et puis, vous avez formé des filles qui jouent à haut niveau, hein ? Oui, tout à fait. On a deux filles là, qui sont avec l'équipe de France régulièrement. Elles jouent avec un club de Paris aussi. Elles s'entraînent toujours chez nous. Elles sont toujours partantes pour nous aider, tout ça. Mais elles ont vraiment accédé à un niveau au-dessus, donc ça fait plaisir. Et puis, on peut être fier aussi, puisque certains tes coéquipiers jouent en universitaire américain et puis vont même tenter la draft NFL cette année. Effectivement, il y a Jeff qui a joué avec nous il y a quelques années, qui maintenant s'est déclaré à la draft NFL pour cette année. Et puis moi, je pense surtout et souvent à Wilfried, que j'ai connu ici. J'ai fait partie de ses premiers coachs avec les frères Gillet. Et quand on voit où il est maintenant à Virginia Tech, c'est incroyable. Donc voilà. Pour terminer cette petite interview, alors si on a envie de jouer au foot américain, ça se passe où? Et tu peux donner un petit peu des petits détails, sachant qu'il n'y a pas de gabarit. Ici, on est en France, c'est accessible. Si vous avez de la bonne volonté et un moral, parce que ça se joue aussi dehors, c'est un sport qui se joue dehors, il ne faut pas le cacher, mais... c'est accessible à tout le monde. Exactement, on a une école de flag à partir de 8 ans, on a des plus anciens qui jouent au foot qui ont plus de 50 ans. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre page Instagram. C'est le plus simple pour nous contacter. On répondra et puis on vous redirigera vers la section qui va bien en fonction de vos envies, besoins, loisirs, compétitions, foot, flag. On propose à tous les âges, tous les gabarits, parce que l'avantage du foot, c'est que si je suis grand en gros, je peux jouer à un poste. Si je suis petit mec, je peux jouer à un autre poste. Si je suis grand mec, je peux jouer toujours un autre... Enfin, voilà, on a cet avantage-là au foot de pouvoir faire un peu pour tout le monde. Eh bien, je te remercie pour cette interview et puis on espère vous suivre tout au long de l'année et régulièrement vous donner des nouvelles des pionniers sur Radioactive. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.